tout pour se moquer de tout. Faut-il être fou? Charleston. Je dois faire le pas, s'il est prêt, je suis loin de me lâcher comme ça. Répondra ses avances, moi je manque de recul. Dois-je entrer dans sa danse?